L'actualité à Nancy et ailleurs. Deux week-ends pour découvrir un nouveau sport, peut-être pour vous, c'est l'aviron, et deux week-ends de portes ouvertes du sport nautique de Nancy, donc les 28 et 29 août, ainsi que les 4 et 5 septembre. Et pour nous en parler, nous avons au téléphone Léo Ronchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc éducateur sportif pour le club du sport nautique de Nancy. Oui, voilà, exactement. Je travaille comme entraîneur sur la structure. Peut-être faire un petit portrait de ce club d'aviron qui propose donc ses portes ouvertes. Combien d'adhérents et qu'est-ce qu'on y fait? Donc le club a été créé en 1866. Il y a environ 400 adhérents tous les ans qui prennent une cotisation annuelle à la structure. On travaille exclusivement sur la pratique de l'aviron, sport qui travaille le corps, donc des pieds jusqu'à la tête, avec objectif d'aller le plus vite possible sur l'eau. Un sport très complet? Effectivement, un sport très complet qui travaille à la fois les membres inférieurs, donc les jambes, et les membres supérieurs, donc le tronc, ainsi que les bras. L'objectif, c'est de pouvoir travailler à la fois de manière individuelle, mais également en équipe. Où est-ce que ça se pratique alors à Nancy? Donc on est en face du stade Marcel Picot, au 75 boulevard d'Australie. Et c'est là, bien sûr, que vont avoir lieu ces portes ouvertes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire? On va se jeter à l'eau tout de suite ou il y a peut-être déjà une phase sur terre? Exactement, il y a une petite phase sur terre avec quelques consignes de sécurité. Il faut savoir que l'aviron, c'est une pratique du coup qui se déroule sur l'eau. Donc il faut savoir nager, ça c'est bien une des conditions dans laquelle on ne peut pas pratiquer cette discipline. Et ensuite, à partir du moment où on atteste sur l'honneur qu'on sait nager et qu'on a au moins 10 ans, il est possible de prendre un bateau et d'aller faire sa petite découverte individuelle ou en groupe. Il faut savoir nager et à partir de 10 ans, donc on peut pratiquer à l'aviron. Il y a beaucoup de jeunes chaque année qui viennent bien s'inscrire et découvrir ce sport? Oui, oui, exactement. Alors, il y a de nombreux jeunes qui viennent tous les ans. On accueille entre 50 et 60 jeunes qui ont moins de 14 ans chaque année. Et il faut savoir que le club de Nancy est le meilleur club français chez les jeunes. Depuis 2014, nous sommes soit premier, soit à minima sur le podium du classement des clubs chez les jeunes. Donc, moi, quand on entend jeune, c'est lié, moins de 14 ans. Il y a forcément une part de loisirs au sein de l'aviron, mais aussi une part compétition. Quelle est un peu la part des deux? On a une volonté chez les publics de moins de 18 ans d'être vraiment sur une pratique de la compétition. Et ensuite, par contre, sur le public adulte, il y a la possibilité soit de choisir de faire de la compétition, soit de choisir de faire du loisir. On n'impose rien. Pour les jeunes, même certains peuvent prendre leur temps pour accéder à la compétition, mais l'objectif est de pratiquer avec un objectif plutôt de réaliser de la compétition au cours de la saison. C'est un sport d'équipe aussi, l'aviron? Tout à fait. Il faut savoir qu'on peut le pratiquer dans un bateau individuel où on est seul, mais on peut aller jusqu'à des bateaux qui comportent 9 pratiquants. Donc 8 rameurs et un barreur, dont les célèbres courses Oxford, Cambridge, la Head of Charles à Boston, qui sont des courses très très très réputées à travers le monde. Alors on va pouvoir découvrir toutes ces activités lors de deux week-ends, les 28, 29, 4 et 5 septembre. Comment ça va se passer sur place? À partir de quelle heure et est-ce qu'il faut s'inscrire pour y participer? Il n'y a pas besoin de s'inscrire. En ce qui concerne le pass sanitaire, il n'est pas obligatoire pour les mineurs. Par contre, concernant les personnes majeures, il faut être en capacité de présenter le pass. C'est la petite nouveauté avec la Covid. Ensuite, concernant l'accès à la structure, la structure sera ouverte pour l'accueil, donc sur les portes ouvertes de 9h à 17h, donc samedi et dimanche, sur les deux week-ends. Il y aura simplement un petit plus sur le week-end du 28-29. Le dimanche 29, il y a au même moment la fête du port, où nous accueillerons également des personnes au niveau du port de Nancy pour pouvoir également faire des initiations à l'aviron. Donc il y aura initiation à l'aviron au niveau du port de la ville de Nancy et de la métropole, et également au niveau de la structure du club d'aviron. Très bien, donc les portes ouvertes, c'est à partir de 9h30 Voilà, exactement. Et c'est totalement gratuit? Et c'est totalement gratuit. Pour avoir plus d'infos, peut-être avant de venir à votre rencontre, on peut peut-être aussi vous découvrir via les réseaux sociaux, votre site internet? On peut se donner rendez-vous sur www.avironnancy.com. Surtout, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil si vous avez des questions. Et on est ouvert, on peut répondre à vos questions avec grand plaisir. Quelque chose à ajouter peut-être? Mais écoutez, des fois, il faut savoir se jeter à l'eau. Voilà ce que je pourrais ajouter. Merci beaucoup, Léo Ronchard. Merci beaucoup. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.